France Inter, le 13-14. Et Jean Lebrun en exergue du vif de l'histoire aujourd'hui, le témoignage de Tatiana, lu dans Libération. Cette Ukrainienne qui a vécu 2 mois dans un sous-sol à Mariupol a cette phrase « Si j'avais su que je ne reviendrais jamais dans mon appartement, j'aurais emporté les médailles reçues par mon grand-père pendant la guerre ». Elle parle de ce que les Russes appellent la Grande Guerre patriotique contre le nazisme 1941-1945. Jean, à l'heure où Vladimir Poutine mène une vaste opération de propagande en ce 9 mai, 77e anniversaire de la victoire contre l'Allemagne nazie, il faut rappeler que cette guerre n'a pas été menée seulement par des Russes, mais aussi par les autres peuples de l'URSS. Oui, mais Poutine s'est persuadé que ce sont d'abord les Russes, au centre d'un vaste espace eurasien, à cheval sur l'Europe et sur l'Asie, qui ont repoussé le mal venu de l'Ouest, et cela grâce à leur force vitale, native, voire à leur innocence sacrée. Pourtant, en 1939, commençons par là, Staline avait conclu le pacte germano-soviétique Molotov-Ribbentrop. Oui, parce que selon Poutine, il fallait aménager le temps. Sauf que les Russes ne se préparèrent pas bien à la guerre à venir et qu'ils occupèrent la Pologne, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie. Les habitants de ces pays se souviennent que la guerre, pour eux, a commencé dès 1939 et non pas, comme il est répété, en 1941 avec l'assaut allemand. Pendant lequel, soit dit en passant, les Juifs des zones envahies se retrouvèrent en première ligne massacrés. Eux aussi, les Juifs font partie des premières victimes. Dans le récit officiel de la Grande Guerre patriotique, ce sont les Russes qui ont le plus souffert. Alors, aux Ukrainiens est attribué facilement un comportement ambigu, alors que l'immense majorité des hommes ont rejoint l'armée rouge, comme le grand-père de Tatiana que vous évoquiez, dont les décorations ont aujourd'hui disparu dans la destruction de Mariupol. Les Juifs ont été nombreux aussi dans l'armée rouge. L'historien Timothy Sander a calculé que c'est eux qui, en proportion, ont reçu le plus grand nombre de décorations. Cependant, plus tard, sur les monuments, ne pouvait figurer l'étoile de David, seulement l'étoile rouge. Vous me direz que les Alliés aussi eurent du mal à concevoir une histoire juive de la Seconde Guerre, mais dans les pays de l'Ouest s'organisa tardivement la mémoire de la Shoah qui n'est pas présente de la même manière en Russie. D'où notre stupéfaction devant des déclarations récentes du ministre russe des Affaires étrangères. Le ministre, c'est pas encore Poutine. Sergueï Lavrov a d'abord déclaré que l'origine juive du président Zelensky n'était pas une garantie de protection contre le néonazisme rampant en Ukraine. Le président letton, Levits, s'est retrouvé ensuite dans le collimateur. Juif, lui aussi, il couvrirait la réhabilitation de la Waffen-SS dans son pays. Alors le gouvernement israélien finit par s'émouvoir. Et là aussi, il faut en revenir au palinodie de Staline. Au lendemain de la victoire du 9 mai, il avait appuyé de manière spectaculaire, comme personne, la création d'Israël. Puis, dès la fin de 1948, le vent avait tourné et Israël était devenu un instrument de l'impérialisme américain. Et les Juifs avaient été accusés indifféremment de nationalisme et de cosmopolitisme. Les dénonciations de traîtres juifs se sont multipliées ensuite jusque dans les pays frères. Et quand Staline est tombé malade, son médecin juif eut le mauvais goût de lui conseiller de se retirer. Un prétendu complot des blouses blanches fut conçu de toutes pièces et dénoncé. Quand le dictateur mourut enfin, 1953, c'était la vie de quelques 35 000 médecins juifs du pays qui se trouvaient menacés. Alors aujourd'hui, des accusations inquiétantes commencent à être tenues. Lavrov insinue qu'Hitler serait d'origine juive. Vieille rengaine, les juifs coupables de leur propre persécution. Les seuls justes qui aient existé au monde et à qui les juifs doivent leur salut, ce seraient les soldats russes de l'armée rouge. Lavrov ajoute, l'histoire connaît malheureusement des exemples tragiques de coopération entre juifs et nazis. Les mensonges que profère le premier cercle du pouvoir révèlent ce qu'on y croit, hélas. Jean Lebrun, le vif de l'histoire tous les jours avant 14h. France Inter.